Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne considère pas les déceptions que tu as vécues comme si Dieu t'a abandonné. Dieu est capable de transformer tes déceptions en succès. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prends courage et commence à dire merci au Seigneur parce que Dieu te prépare ce qui est meilleur. Réveille-toi ma sœur, réveille-toi mon frère, nous allons prier. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche. Nous allons prier aujourd'hui avec le psaume 16e. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 16e, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est là, à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité, cherchons notre refuge auprès de Dieu. Tu ne dois pas chercher ton refuge auprès des hommes de ce monde, ni dans des fétiches, dans des talismans, en entrant dans un mouvement mystique. Je vais parler à un monsieur, écoute-moi bien. Tu viens d'être nommé à un poste important, mais il y a ton ami qui t'a dit d'entrer dans un mouvement bizarre. Mon ami, toi qui confesse Jésus, si tu entres là, c'est la mort que tu cherches. Jésus est capable de te sécuriser. Tu dois te réfugier en lui et en lui seul. David dit ici, au verset 1, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Je cherche en toi mon refuge. Vous savez, les gens qui se déplacent d'un pays à un autre, on les appelle des réfugiés. Ils vont se réfugier parce qu'ils fuient soit la guerre, ils sont soit des réfugiés politiques, parce que la situation politique ne leur est pas favorable. Ils fuient, ils se réfugient quelque part. Mais nous devons nous réfugier en Dieu. Les chrétiens doivent se réfugier en Dieu. À plusieurs reprises, David s'est réfugié auprès de Dieu. Lorsque le roi Saül voulait le tuer, il n'a pas cherché refuge auprès des hommes. Lorsque nous sommes en face du danger, lorsque nous sommes combattus dans notre milieu professionnel, dans notre voisinage, cherchons refuge auprès de Dieu. Malheureusement, certains choisissent de chercher la protection auprès des marabouts, d'autres adhèrent dans les mouvements mystiques pour s'assurer un avenir meilleur, pour protéger leur poste, pour rechercher la guérison. Le meilleur refuge, c'est l'Éternel. Je vais dire à une jeune fille, écoute-moi bien, tu souffres d'une maladie et quelqu'un t'a conseillé d'aller auprès des tradis praticiens. Mais fais attention, il y a des gens qui font le mélange. Quand tu t'en vas chez quelqu'un que Satan utilise, il va te faire boire certaines choses, tu vas faire attention, tu risques d'ajouter des problèmes sur ta vie au lieu de te confier en l'Éternel. Fais attention, il y a beaucoup de gens qui mélangent, qui font des maraboutages spirituels. Il a la Bible d'une main et puis d'autre main, il est en train de faire des incantations, des syncrétismes, des fétichismes. Non, ça ce n'est pas bon. Deuxième vérité, développons une vie d'intimité personnelle avec Dieu. David s'adresse ici à Dieu, à un Dieu personnel avec qui il développait une relation et une intimité personnelle. Quand il dit, tu es mon Seigneur, tu vois. C'est-à-dire, c'est un Dieu personnel, ce n'est pas un Dieu de famille. Je vais dire à un jeune, écoute-moi bien, toi pour aller à l'église, pour aller au culte, il faut toujours que ta maman te tire, il faut te réveiller. Non, tu as déjà plus de 25 ans, tu dois comprendre que tu as besoin toi-même de Jésus, tu dois le rencontrer de manière personnelle et tu dois apprendre à développer une intimité personnelle pour que tes études soient débloquées. David dit, tu es mon Seigneur, en hébreu Adonai, qui veut dire mon maître. C'est un titre qui montre que nous devons à Dieu obéissance et soumission. Il dit aussi, tu es mon souverain bien. En hébreu, tov, c'est-à-dire mon bonheur, mon bien-être. La Bible du Semer dit, tu es mon bonheur est en toi. Si nous aspirons au bonheur, nous devons nous attacher à lui. Il dit aussi, l'Éternel est mon partage et mon calice. Le mot partage voudrait dire ma part, ma portion ou mon territoire. C'est le même mot que Dieu a utilisé lorsqu'il disait à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux, c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Selon Nombre 18, verset 20. Les Lévites n'avaient pas reçu de territoire au moment du partage de la terre promise, mais Dieu a prévu leur moyen de subsistance en leur accordant ce que les enfants d'Israël lui donnaient, c'est-à-dire les dîmes. Lorsque nous faisons de Dieu notre partage, notre part, il garantit notre avenir. C'est pourquoi David parle d'un héritage délicieux qui lui est échu et d'une belle possession qui lui est accordée. Lorsque nous suivons Jésus et que nous lui accordons la première place, il s'occupe de nos besoins. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, tu es mon calice. Le mot calice fait penser à une coupe. Lorsque nous développons notre intimité avec Dieu et que nous le servons de tout notre cœur, il nous récompense. Il dit aussi, l'Éternel est mon conseiller. Si nous voulons recevoir le conseil de Dieu, méditons régulièrement sa parole et tournons-nous vers lui dans la prière. Au lieu de marcher selon les conseils des méchants, comme nous avons vu au psaume 1, méditons sa parole. David avait l'habitude de rechercher les conseils auprès de Dieu avant de prendre de grandes décisions, avant de choisir un conjoint, avant d'opter pour tel ou tel travail, avant de déménager d'un pays à un autre ou d'un quartier à un autre, il faut consulter l'Éternel. David dit que pendant la nuit, son cœur l'exhorte. Cela voudrait dire qu'il écoute les conseils de Dieu, même pendant le silence de la nuit, en cherchant la face de Dieu. Il dit qu'il a constamment l'Éternel devant ses yeux. Ceci voudrait dire qu'il passait continuellement son temps dans la méditation de sa parole et dans la prière. Troisième grande vérité de ce psaume, ce sont les résultats d'une bonne intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une bonne intimité avec Dieu? D'abord, tout notre être est dans la joie et en sécurité. Le corps, l'âme et l'esprit. Il dit ici au verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Vous voyez, l'intimité avec Dieu réjaillit sur tout l'être, même sur ta santé. Il existe une bonne relation entre les trois dimensions de l'homme, son corps, son âme et son esprit. Très souvent, c'est le spirituel qui influence le physique. Jean pouvait formuler ce vœu à son fils spirituel. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si spirituellement nous sommes au point, nous le serons aussi physiquement. Autre résultat de l'intimité avec Dieu, c'est la résurrection de nos vies. Il va ressusciter nos vies. Ces paroles se réfèrent à la résurrection de Christ d'abord. Il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Mais cela aussi se manifeste en nous. Tout ce qui est mort ressuscite. Troisième résultat, il nous fait connaître les sentiers de la vie. Et enfin, il nous assure une éternité glorieuse. Il dit ici au verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître les sentiers de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Oui, si tu veux être joyeux, entre dans la présence de Dieu. Cesse de demeurer là où on ne fait que te raconter les gens qui ont échoué. Cesse de contempler les films où les gens ne font que se bagarrer, où on montre des scènes de violence. Mais passe du temps dans la présence de Dieu et tu verras que tu seras rayonnant de joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter pour lui ce chant. Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité pour dire, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Il est digne de louange, notre Dieu. Il est digne de tout honneur. Il est digne de toute gloire. Il mérite reconnaissance. Oui, mon frère, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à lui dire merci pour ce qu'il a fait. Il t'a gardé aujourd'hui. Il te renouvelle le souffle de vie. Élève ta voix. Bénis son Saint-Nom. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérons. Opération. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, afin que je ne détruise pas le pays. Et nous prions en nous inspirant des saintes écritures. Pour aujourd'hui, c'est le psaume 16e qui nous sert de texte de base. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à développer sans cesse une intimité personnelle avec lui par une vie de prière constante. Peut-être que ces derniers temps, ta vie de prière a baissé, tu es distrait, tu n'arrives pas à te concentrer. Prie le Seigneur pour dire, en disant, Seigneur, aide-moi, aide à restaurer ma vie de prière au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Que ton nom soit béni, Père éternel. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Parce que chaque fois que nous nous tournons vers toi, tu ne nous abandonnes pas. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les autres noms. Parce que tu es le Dieu d'éternité en éternité. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ce matin, nous prions au Père éternel pour nos frères, pour nos sœurs, dont la vie de prière est en baisse, dont la vie de prière est en rétrogression. Nous demandons au Père, aide-nous à restaurer notre vie de prière. Aide-nous à véritablement communier avec toi, parce que nous voulons sonder les Écritures pour véritablement te connaître. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle à notre exercice spirituel, tout obstacle à notre croissance spirituelle est ôté dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons développer une intimité avec toi, une véritable intimité, afin que tu puisses déverser ta grâce, déverser ton onction dans nos vies. Nous voulons avoir cette intimité avec toi pour être semblable à ton Fils Jésus-Christ. Nous prions et nous déclarons que tout obstacle à notre épanouissement, notre croissance spirituelle soit ôté. Fais en sorte que la parole de Dieu soit au centre de toutes choses. Et nous déclarons que tout homme, toute femme, tout esprit qui nous empêche à marcher dans tes voies, qui nous empêche de nous épanouir spirituellement, est ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci, Père éternel, parce que tu fais de nous de personnes recommandables, de personnes ayant la crainte de l'Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour réclamer notre héritage à Dieu, notre part d'héritage, car c'est lui qui est notre possession et qui garantit notre avenir. David dit, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession. Tu as d'abord un héritage spirituel que tu dois réclamer, et tu dois réclamer tout ce qui est comme héritage matériel, financier. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Tu dois entrer en possession de ton héritage au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Remercions parce que nous sommes en vie. Nous avons le sou de vie, nous avons la santé, nous avons la vigueur, nous avons la joie, nous avons la paix. Nous avons tout ce qu'il faut ce matin. C'est pourquoi nous sommes devant toi très tôt le matin pour te recommander cette journée et te recommander tes enfants. Notre Dieu, notre Père, la Bible nous dit, il rôde autour de nous pour prendre ce que tu nous as donné, pour voler et tuer. Mais nous voulons te prier ce matin. Tes enfants ont un héritage. Ô Seigneur, tu leur as été conféré par toi dès la naissance. C'est à quoi ils sont, ils doivent aboutir. C'est à cela qu'ils doivent travailler. Et c'est à cela que tu dois les récompenser. Nous prions ce matin que ce héritage ne leur soit pas ôté au nom de Jésus-Christ. Que par la prière, par la foi, par l'engouement, par la persévérance, par l'endurance, ô notre Dieu, notre Père, que leur héritage qui leur a été pris, qui leur a été usurpé, soit repris maintenant. Si c'est le mariage, si c'est le travail, une vie de prière au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. J'ordonne maintenant que chacun retrouve son héritage qui a été volé, qui a été pris, qui a été usurpé. Merci Seigneur, parce que c'est par la foi. Nous le récupérons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu sécurise tout notre être, notre corps, notre âme et notre esprit. Nous voyons que David montre quand il est en sécurité, Dieu assure la sécurité de ces trois dimensions. Qu'au niveau de ton âme, peut-être que tu es troublé, peut-être que tu es toujours angoissé. Tu vas prier pour que Dieu te libère, que Dieu sécurise ton âme, que Dieu sécurise ton esprit, que Dieu sécurise même ton corps et qu'il éloigne tout ce qui est malade, tout ce qui est anormal dans ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Merci pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes. Une semaine vient de s'écouler où tu nous as préservés, où tu nous as sécurisés, gardés, où tu nous as protégés, où tu nous as bénis, où tu nous as ouvert des portes, où tu nous as annoncé de bonnes nouvelles. Nous avons fait ton œuvre, nous avons été là où il fallait et tu nous as accordé de grandes bénédictions. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es notre refuge. Nous te cherchons parce que tu es le Dieu qui nous a toujours affranchis, qui nous a toujours libérés, qui nous a toujours guéris, qui nous a toujours transportés dans ton royaume. En paix nous sommes, en joie nous sommes, en bénédiction de tous gens nous sommes, dans la vie nous sommes. C'est pour cela ce matin, nous sommes heureux de te dire infiniment merci. Merci Père pour ta main qui est tendue encore pour nous libérer de toute oppression du diable, pour nous libérer de toute maladie dans notre corps. Nous sommes guéris dans notre âme, nous sommes guéris dans notre esprit. Nous sommes guéris et nous sommes affranchis. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Car la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Merci Seigneur, parce que nous sommes des enfants de destinée. Nous sommes dans la rédemption en Christ. Et le sang de Jésus-Christ nous guérit, nous bénit. Ce jour encore, cette semaine encore, nous voici dans notre plan de gloire, dans notre plan de restauration. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous espérons que cette émission vous fait du bien et que demain, nous allons vous retrouver à la même chaîne et à la même fréquence. C'était OSB. Au revoir et à demain. À